La grande fraude à la polio, aujourd'hui comme hier. Un nouvel ancien état de catastrophe a été déclaré le 9 septembre 2022 à New York. L'État invite les sages-femmes, les pharmaciens, les ambulanciers et les autres professionnels de santé, et ainsi que les malades, les personnes vulnérables et âgées, les femmes enceintes, en fait, toute la population, y compris les enfants et les bébés, à se faire vacciner contre la polio et à recevoir des rappels. Qu'est-ce qui s'est passé ? Au cours de l'été 2022, alors que l'humanité frappée par la maladie du Covid s'apprêtait à respirer, les autorités new-yorkaises établissent un lien malsain. Il s'agit d'un cas de paralysie chez un adulte. Des fragments génétiques présents dans les eaux usées correspondraient à des composants du vaccin oral contre la polio. Cela a poussé le gouvernement de New York à déclarer l'état de catastrophe sur New York le 9 septembre 2022. Or, aux États-Unis, on n'administre pas du tout de vaccin oral contre le polio. L'explication donnée à ce sujet. De nombreux étrangers vivant à New York auraient été vaccinés ailleurs. Ceux-ci auraient laissé leur matériel génétique dans les eaux usées de New York. Cette histoire ne sent-elle pas vraiment mauvais au sens propre du terme? Répétition de l'acte. Pour la énième fois, on a réussi à présenter un résultat microscopique et douteux, et un seul cas, comme une menace, ce qui a poussé l'ensemble du paysage médiatique à créer des faits à partir d'affirmations non confirmées. Des faits destinés à semer la peur, la terreur et la panique parmi tous les New-Yorkais. Des titres d'information tels que « New York lutte contre le retour de la polio » parviennent même jusqu'en Allemagne, avec la conclusion médiatique qui suit immédiatement. Les taux de vaccination en Allemagne sont également trop bas. À Londres, les autorités sanitaires ont insisté pour que les enfants de 1 à 9 ans reçoivent un vaccin de rappel contre la polio dans toute la ville. Il n'y avait pas de cas de maladie, mais on parlait d'échantillons d'eau usée suspectes. Les fonctionnaires britanniques ont qualifié cette campagne de vaccination de mesure de précaution. Israël, en troisième position, a également suivi le mouvement et a soudainement signalé des traces de polio dans les eaux usées, dans plusieurs villes. Début 2022, les autorités y ont diagnostiqué la polio comme cause de la paralysie d'un enfant de 3 ans. Un battage médiatique a été déclenché et a conduit à l'invitation à vacciner les enfants et les adolescents de 7 à 17 ans contre la polio. D'ailleurs, c'est New York, Londres et Jérusalem qui ont imposé les restrictions les plus strictes lors de la crise du Covid-19 et qui ont poussé la vaccination le plus loin. Cette alerte à la polio repose sur des bases très fragiles. Pour être plus précis, elle est basée sur des affirmations. Malheureusement, ce type d'approche n'est pas nouveau dans l'histoire. Petite digression. Au début de l'année 2022, Amy Rosenberg, professeur à l'université Tufts de Boston, très active dans la recherche, a mis en garde contre le problème d'analyse des eaux usées liées à l'utilisation de la technique PCR, réaction en chaîne de polymérase. Selon elle, il s'agit d'un processus complexe sur le plan chimique et biologique, qui comprend plusieurs étapes difficiles à standardiser. De plus, les eaux usées contiennent souvent des composés qui peuvent interférer avec la principale méthode de détection des agents pathogènes. Important à ce sujet, la méthode suspensionnée utilise depuis les années 1990 la même technique PCR que celle qui a été utilisée à mauvais escient pour le Covid-19 et déclarée inutile par de nombreux experts. L'histoire de la poliomyélite. Il y a plus d'un siècle, l'homme le plus riche du monde à cette époque, le baron du pétrole John D. Rockefeller, a entrepris avec son cercle de conseillers de réorganiser complètement la pratique médicale aux États-Unis et dans le reste du monde. Dans un essai, F. William Engdahl décrit l'histoire de la virologie à travers l'exemple de la fraude criminelle sur la polio en parlant de l'Institut Rockefeller. Il écrit que l'Institut Rockefeller a été fondé en 1901 à partir de la fortune de John D. Rockefeller, Société Standard Oil. Cela devait devenir le premier institut biomédical d'Amérique, sur le modèle de l'Institut Pasteur français en 1888 et de l'Institut Robert Koch allemand 1891. L'objectif de Rockefeller était de contrôler entièrement la pratique médicale américaine afin d'en tirer profit. Il voulait promouvoir l'administration des médicaments. L'intérêt de Rockefeller était de monopoliser les médicaments issus de sa raffinerie de pétrole, tout comme il l'avait fait pour le pétrole. En 1907, à New York, environ 2500 personnes ont été touchées par une épidémie de paralysie, qui a souvent touché des enfants et a même entraîné leur mort. Cette épidémie a été à l'occasion pour l'Institut Rockefeller d'annoncer la découverte d'un virus invisible causé par la poliomyélite, inflammation de la substance grise de la moelle épinière connue sous le nom de paralysie infantile. En 1909, le directeur de l'Institut de l'époque, le docteur Simon Flexner, a affirmé dans le journal de l'AMA, Association médicale américaine, que lui et son collègue Paul A. Lewis avaient isolé un agent pathogène invisible à l'œil nu et même plus petit que les bactéries qui avaient causé la maladie paralysante lors d'une série d'épidémies aux États-Unis. La preuve en était la suivante. On avait réussi à transmettre la poliomyélite de singe à singe chez plusieurs singes. Ceci en prélevant un tissu de la moelle épinière d'un garçon malade qui serait mort du virus en question et en l'injectant dans le cerveau des singes. Quand un singe tombait malade, une suspension, mélange de substances composées de liquides, de particules finement dispersées dans ceci, de tissus de moelle épinière malade, était injectée dans le cerveau d'autres singes. Tout ceci, bien que Flexner et Lewis aient dû admettre à un moment donné qu'ils n'avaient pas réussi à découvrir de bactéries pouvant être responsables de la poliomyélite. Comme ils ne pouvaient pas, ou selon toute apparence, ne voulaient pas trouver d'autres explications, ils ont affirmé qu'il s'agissait d'un virus qui tuait le singe. Flexner n'avait jamais envisagé une autre cause pour la maladie. Le prétendu virus injecté au singe contenait de la moelle épinière en purée, du cerveau, des matières fécales et même des mouches broyées. Faut-il s'étonner que les singes n'aient pas survécu à une telle intervention? Par ailleurs, aucun virus de la polio n'a été isolé scientifiquement à ce jour. L'étude malhonnête, mais très appréciée de Flexner, publiée dans le journal AMA, Association médicale américaine, lui a permis de laisser son frère Abraham Flexner, recteur d'une école privée, donc sans formation médicale, diriger une étude qui examinait la qualité de toutes les facultés de médecine à travers les États-Unis. Dans cette étude conjointe intitulée « The Flexner Report », Abraham Flexner recommandait en 1910 de fermer la moitié des 165 facultés de médecine visitées car selon lui, elles ne correspondaient pas aux normes médicales. Les instituts qui acceptaient de faire évaluer leurs professeurs par l'Institut Rockefeller et dont le programme d'enseignement se concentrait sur les médicaments et la chirurgie en tant que traitement, et non sur la prévention, la nutrition et la toxicologie, empoisonnement par des substances chimiques, étaient subventionnés par des fonds Rockefeller. En outre, la théorie des germes de Pasteur selon lesquels les maladies sont causées par des germes devait être reconnue. Toutes les solutions médicales alternatives ont été sévèrement discréditées par les médias contrôlés par Rockefeller. En résumé, l'Institut Rockefeller a été responsable avec Simon Flexner de l'invention d'une puissante fraude médicale. Les affirmations ont été présentées comme des faits, à savoir qu'un germe étranger invisible et contagieux, le virus de la polio, provoquait des paralysies aiguës et même la mort chez les jeunes. Cette fausse affirmation a été en dépit du fait qu'à l'époque, Le DDP et les pesticides à base d'arsenic étaient utilisés à grande échelle et de manière rentable. Et bien que les liens entre la maladie et l'empoisonnement aient été évidents, les efforts politiques ont empêché toute enquête. Même après l'utilisation des dangereux vaccins contre la polio et l'augmentation des cas de polio parallèlement à la vaccination, tout lien a été nié. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs du virus de l'Institut Rockefeller ont ensuite affirmé avoir découvert non seulement le virus de la poliomyélite, mais aussi le virus responsable de la variole, de la rougeole, des oreillons et de la fièvre jaune. Conclusion. La découverte fictive de vaccins prétendument préventifs a été la prochaine acquisition aux machinations malsaintes, courante à l'époque et pratiquée aujourd'hui dans le monde entier avec une évidence trompeuse. Aujourd'hui, avec un agent pathogène invisible et mortel, appelé germe ou virus, l'humanité s'est laissée et se laisse facilement manipuler et même terroriser par le délire du Covid. Aujourd'hui, ce contrôle de la santé publique est exigé par Bill Gates, élève de David Rockefeller et partisan de l'eugénisme, qui s'est autoproclamé tsar de l'OMS et des vaccins mondiaux. Il est grand temps de tirer des leçons des révélations du passé et de s'opposer aux objectifs infâmes de la cabale médicale, machinations menées dans l'ombre pour atteindre des objectifs infâmes. Diffusez vous aussi cette émission et faites avec nous la lumière sur ces crimes du passé aussi malveillants qui continuent aujourd'hui à être propagés sans vergogne comme vérité.